fond de la classe, j'ai même écrit sur la table. Je console mon manque d'amour par de la violence verbale. Dans ma tête, y'a des fantômes, c'est les souvenirs qui me hantent. La famille, c'est qu'un seul corps, chez moi, il manque un membre. Je compte pas mon passé, du coup, les plaies s'ouvrent. Au fil du temps, c'est les minutes qui vont me recoudre, baby. L'absence de mots, mes sentiments, je les écris. Mama, no cry, ton fils fera plus de bêtises. Dispute, discute, ma chambre est d'âme isolée. Ma vérité est mise à nu, donc mes points faibles sont violés. La richesse est dans le cœur, Lucien m'a prouvé le contraire. La force du nombre, car mon public m'aide à zapper mon père. J'ai pas une modèle, même pas en bas des halls. À la maison, je suis schizophrène, je dois jouer plusieurs rôles. Un thème abordé, en se regardant pas dans les cieux. Le ciel me soutient quand je suis triste, avant quand que pleure, je pleure, il pleut. Quand je me confronte au passé, je vois que ça me ronge comme un... J'ai baissé la tête quand je vois une famille unie. Inscription scolaire, j'ai coché parents uniques. Mère seule for life, vu que j'ai pas de père. À force de chercher à aimer les autres, on finit par se perdre. Chef de famille précoce, j'ai enterré ma vie de gosse. Marcher sur mes pas, c'est suspecter une entorse. J'suis pas à plaindre, mais intérieurement j'ai souffert. Avoir un gosse a pas de prix, mais les divorces ça coûte cher. J'te ressemble, j'ressemble, c'est ce que les gens me disent tout le temps. En amour comme un cadavre, j'suis toujours froid et distant. Les regrets te sortent ton lit, comment trouver le sommeil? Pareil que tous ces couples qui fanent auront plus besoin de soleil. Ta fierté t'empêche de revenir, t'as des mots de travers. Tous les chemins mènent à quelqu'un, les océans se traversent. Maintenant je roule vers le futur, la nostalgie dans le rétro. Dans mon miroir, te ressembler serait quand mon seul défaut. Quand je me confronte au passé, je vois ta me ronger comme un... Que j'en sois fière, j'ai l'impression de me jeter dans le vide. Je tombe en sanglots quand j'entends son nom. On n'a qu'un point en commun, juste un nom. Quand je me confronte au passé, je vois ta me ronger comme un affront. Je m'efforce de d'espérer. Malgré cette absence, continue d'avancer.